personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. 1921-1922. On est dans la province du Jiangxi, dans laquelle vient juste de finir une famine gravissime. Un seigneur de la guerre, Feng Yuxiang, converti au christianisme, en est le gouverneur militaire, et il a tenté plus ou moins de faire quelques réformes. Il est assez vite remplacé par Liu Zhenhua, qui se trouve à la tête de la bureaucratie qui administre la province. Parmi les services, un bureau qui s'occupe des problèmes d'hydraulique, bureau fondé après la famine. C'est à partir de ce moment que la question de la reconstruction du canal London, appelé parfois Tinhui ou encore Django, va se poser, car elle devient évidemment essentielle pour la bonne irrigation de la région. Pierre-Étienne Ville organise son cours, intitulé « Ingénieur et philanthrope dans la Chine des seigneurs de la guerre », autour des problèmes posés par la reconstruction de ce canal et qui permettent d'examiner au microscope comme au télescope tous les problèmes qui se posaient à cette époque. Problèmes militaires, politiques, techniques, humains, financiers, etc. Ce matin, Pierre-Étienne Ville va sonder la préhistoire de la reconstruction de ce canal. Le moment des décisions, les hommes en présence. Ce travail que Pierre-Étienne Ville est le premier à pouvoir faire, car il fallait pour cela avoir accès aux sources des philanthropes américains, mais aussi aux sources chinoises et pouvoir les confronter, permet également de casser le côté simpliste, purement idéologique, auquel l'histoire de la reconstruction de ce canal a donné lieu après coup. L'intérêt pour une restauration de l'hydraulique du Weibei n'a pas attendu longtemps après la chute du régime impérial pour se manifester, puisque la première mention qu'on en trouve date de l'an premier de la République, c'est-à-dire de 1912. Cette mention est on ne peut plus brève et je ne l'ai trouvée que dans une seule source, qui est la biographie chronologique de Guo Xijun. J'ai déjà évoqué Guo Xijun, donc ce notable du Shanxi, presque exact contemporain de Li Jue, né en 1881 et mort en 1923, je l'ai déjà évoqué en le présentant comme un lettré fidèle à ses racines confucéennes. Après tout, il avait obtenu le titre prestigieux de licencié sous l'Ancien Régime en 1903, c'est-à-dire la dernière session en fait avant l'abolition du système. Mais en même temps, il était très réformateur et même à beaucoup d'égards progressiste. On ne peut d'ailleurs, soit dit en passant, qu'éprouver une certaine fascination devant les contradictions manifestement vécu avec difficulté, de tels personnages écartelés entre tradition et changement, entre savoir confucéen et attitude moderne, personnages dont on rencontre pas mal d'exemples dans notre histoire, comme par exemple le père de Li Jue, dont j'avais aussi parlé. Mais je n'ai pas le temps évidemment de m'attarder pour le moment là-dessus. Quoi qu'il en soit, Guo Xijun a fait faire des études sur le canal Longdong entre 1917 et 1919, et dans un passage de son journal, cité dans sa biographie chronologique, un passage daté, semble-t-il, de 1917, mais c'est très mal édité, où il évoque cela, il écrit donc « Le canal Bai, en fait, ne capte pas l'eau de la Ting ». Il décrit donc la situation qui s'était instaurée en 1737, quand on avait fermé définitivement la prise d'eau à la tête du canal. Donc, le canal Bai ne capte pas l'eau de la Ting. La première année de la République, 1912, Dang Zixin avait proposé de percer un tunnel à travers la montagne de la famille Zhang, Zhang Tiashan, afin de capter la Ting. Il avait fait des relevés, mais on n'a pas conservé le dossier. Et cette idée donc de percer ce massif, qui culmine à peu près à 500 mètres plus haut que le niveau de la rivière, pour capter l'eau de la Ting, qui est donc à la base du projet de Li Jue publié en 1923, et qui, en fin de compte, n'a jamais été réalisé. Cette idée, donc, avait déjà été formulée, comme on le voit, 10 ans auparavant. Et j'ajoute que ce Tang Zixin, dont parle Guo Xijun dans ce passage, est un de ces nombreux personnages évoqués dans les deux textes biographiques sur Guo Xijun, datant donc de 1941 et republié dans les Wenshi Ziliao, auxquels j'avais fait allusion. C'est un de ces nombreux personnages impliqués dans les activités révolutionnaires et dans les complots de la Ligue Jurée au Shanxi, juste avant la chute de l'Empire. La Ligue Jurée, dont Guo Xijun était devenu président du chapitre, si on peut dire, provincial du Shanxi, en 1910. Et Tang Zixin semble avoir fait partie d'un groupe de membres ou de sympathisants de la Ligue Jurée qui s'étaient retrouvés à des postes de responsabilité lorsque l'ancien commandant des forces de la nouvelle armée, la Xinjun du Shanxi, ainsi que le gouverneur de la province, hein, qui était un Mandchou, avait été limogé après avoir été dénoncé pour corruption par les progressistes de la province. Ces nouvelles armées, c'est-à-dire équipées et entraînées à l'occidental, remplaçaient les forces traditionnelles du régime Mandchou et avaient été créées dans toutes les provinces à partir de 1901 pour être ensuite fondues en une nouvelle armée avec un grand N et un grand A, avec un commandement centralisé en 1904. C'est de l'intérieur de ces forces armées provinciales qu'est partie la révolution de 1911, comme chacun sait, à Xi'an aussi bien qu'à Wuchang, en fait. Et c'est ce que racontent assez en détail ces textes sur Guo Xijun. Tang Zixin est bien sûr aux premières loges du mouvement au moment du soulèvement, en 1911, tout de suite après le soulèvement de Wuchang, lequel soulèvement d'ailleurs à Xi'an semble s'être déroulé dans une assez grande confusion, au moins au début. Mais en dehors de cela, nous ne savons rien d'autre sur lui, en dehors du fait donc que dès la mise en place du gouvernement provincial républicain en 1912, il a voulu s'attaquer à cette pièce centrale de la reconstruction économique du Shanxi, que devait être la modernisation et la remise en service du système d'irrigation du Weibei. Et de là, donc, il faut sauter à 1917. Guo Xijun, qui est apparemment devenu un notable influent dans l'appareil du nouveau gouverneur militaire, c'est-à-dire Chen Shufan, après que Lu Tianzhang a été expulsé de la province, j'avais parlé de tout ça, Guo Xijun donc fait ouvrir à Xi'an un bureau d'hydraulique du Shanxi, c'est-à-dire Shanxi, Shengshui Liqu, à l'automne 1917, dont il devient le premier directeur. En cette qualité, il rédige un texte, ou peut-être même un ouvrage, qui doit avoir été une étude érudite dans la vieille tradition de la géographie historique chinoise, puisque ce texte ou cet ouvrage s'intitule Shui Li Kao Zheng. Donc Shui Li, c'est bien sûr l'hydraulique, comme dans le Shui Li Tu, et Kao Zheng, c'est la recherche littéralement des preuves ou des arguments, des sources. Et cette activité de Kao Zheng, c'est-à-dire qui est en général purement livresque, de recherche des données, avait été une grande spécialité, comme on sait, des érudits de l'époque des Qing. Donc il publie cet ouvrage et il cherche aussi à faire remettre en état un certain nombre de canaux et de digues dans le Guangzhong, encore que selon toute évidence, il ne puisse pas réaliser grand-chose, car, ainsi qu'il le souligne à plusieurs reprises dans son journal, il manque presque totalement de ressources, la région est en proie à des troubles incessants, et les paysans, à qui on demande normalement de contribuer à ce genre d'entreprise sous forme de travail ou de surtaxe, et les paysans sont économiquement épuisés. Et pour la même raison, les études que Guo Xijun fait effectuer sur le canal Longdong ne peuvent être, dit-il quelque part dans son journal, toujours, ne peuvent être que des plans à long terme, ou des plans lointains, yuan tu. Dès la fin de 1917, il semble être allé lui-même voir les installations du Longdong, ou ce qui en restait, à la tête du canal, à un lieu dit Wang Xiaozhen. Et cet endroit d'ailleurs en 1930, deviendra le quartier général du chantier au moment où celui-ci s'ouvrira. Et de plus, Guo Xijun ajoute qu'il avait à ce moment désigné un employé du bureau d'arpentage, donc du Zheliangqu, appartenant sans doute à son bureau hydraulique, pour rester sur place et faire de nouveaux relevés, puisque donc ceux qui avaient été faits en 1912 avaient été perdus. Je vais tout de suite revenir sur les résultats qu'ont produit ces initiatives. Mais avant cela, il est intéressant de noter que dès l'année suivante, en 1918, Guo Xijun a ajouté à ses fonctions de directeur du bureau d'hydraulique celle de responsable des études forestières. Il est donc Lin Wu Zhuanyuan, spécialiste des problèmes forestiers, en qualité desquels, comme on s'en doute, il ne risquait pas non plus d'accomplir beaucoup à une pareille époque. Mais je le mentionne malgré tout, car étant donné sa formation, qui était avant tout une formation traditionnelle de lettré, je ne peux pas ne pas voir dans cet intérêt très actif et qu'il aurait voulu plus interventionniste encore, s'il en avait eu les moyens, d'un Guo Xijun au regard des infrastructures et de l'environnement de sa province, je ne peux pas ne pas y voir comme un reflet des préoccupations des fonctionnaires généralistes, comme on dit, de l'ancien temps, ou du moins de ceux d'entre eux qui cherchaient réellement à agir sur le monde. Et de ces fonctionnaires généralistes et activistes, j'en ai rencontré, je dois dire, un assez bon nombre lorsque j'étudiais l'histoire du Shanxi, mais dans les derniers siècles de l'époque impériale. Mais en 1918, Guo Xijun se voit attribuer en su du reste un autre poste, beaucoup plus en accord avec ses compétences, celui-là, puisqu'il devient directeur du bureau provincial d'éducation, donc le Tiao Yuting, ou plus exactement, il est faisant fonction d'eux, mais ça je ne sais pas dans quelle mesure ces distinctions sont importantes, c'est-à-dire qu'il est une sorte de suppléant, il n'a pas le titre titulaire. Donc il devient Tai Li, hein, faisant fonction de président du bureau d'éducation. Un peu plus tard, à partir de 1923, Li Yijie portera lui aussi ses deux mêmes casquettes, l'hydraulique et l'éducation. Mais dans le domaine de l'hydraulique, Li Yijie est bien sûr un spécialiste reconnu et hautement qualifié, et dans celui de l'éducation, il cherchera à pousser les sciences et les techniques et non pas le confucianisme et l'étude des classiques comme Guo Xijun. On serait bien tenté de parler d'une différence de génération, sauf que il ne pourrait alors s'agir que de génération virtuelle, d'une certaine manière, puisque Guo Xijun et Li Yijie ont pratiquement le même âge. De façon intéressante, lorsque, en 1990, Guo Xijun est en butte à des attaques assez violentes de la part d'étudiants, que nous dirions aujourd'hui gauchistes, pour ce qu'il dénonce comme sa politique réactionnaire en matière d'éducation, et notamment d'éducation des filles, comme je l'avais dit, il est viscéralement hostile au mouvement anti-confucéen en vogue dans ces années. À ce moment, donc, il finit par démissionner de ses fonctions de chef du Tiao Yuting, du bureau d'éducation, et par se retirer chez lui pour aller se soigner. Et il souffrait, en effet, déjà d'une grave maladie des poumons. En revanche, il semble qu'il est tenu à conserver, même nominalement, ses fonctions de chef du bureau d'hydraulique. Et s'il en était ainsi, c'est parce que, nous dit-on, il voulait tenir la place au chaud en attendant que Li Yijie se décide à revenir au Shanxi. C'est d'ailleurs le plan qu'il avait formulé dès leur voyage ensemble en Europe en 1913 et 1914, lorsqu'il avait persuadé Li Yijie de changer d'orientation et d'étudier l'ingénierie hydraulique à la place de ce qui était précédemment sa spécialité, c'est-à-dire l'ingénierie ferroviaire. Je rappelle que Li Yijie était parti en Allemagne avec une bourse du bureau chargé d'étudier la construction d'une voie ferrée entre Tongguan et Xi'an, et en plus il avait fait son stage d'ingénieur dans une compagnie ferroviaire de Francfort. Lorsqu'il l'avait converti à l'hydraulique, donc, Guo Xijun lui avait dit que de retour au pays, il préparerait le terrain, aussi bien institutionnellement que politiquement, en attendant donc que Li Yijie revienne à son tour, après avoir acquis sa formation d'ingénieur hydraulique. Et à en croire le petit texte de Li Yijie, écrit à la mémoire de Guo Xijun dans les années 1930, ce dernier affirmait, après avoir pris ses fonctions au bureau d'hydraulique, ce dernier affirmait « Je garde cette place en attendant qu'arrive l'homme compétent. » Ayant finalement réussi à faire revenir Li Yijie, Guo Xijun lui transmettra effectivement son poste de chef du bureau d'hydraulique du Shanxi, alors que lui-même est à l'article de la mort. Il meurt quelques mois après l'arrivée de Li Yijie, alors qu'il est âgé d'à peine plus de 40 ans. Mais avant de revenir plus en détail sur les circonstances de ce retour, dont je vais reparler, il convient d'évoquer deux expéditions envoyées sur le site du canal Longdong et dans la gorge de la rivière Ting pour faire des relevés et, si possible, pour mettre sur pied un projet de reconstruction. Deux expéditions, donc, qui sont antérieures au retour de Li Yijie. La première, à laquelle j'ai déjà fait allusion, a été organisée par Guo Xijun lui-même, en sa qualité de chef du bureau d'hydraulique. Nous ne possédons pas beaucoup de détails et en outre les dates précises ne sont jamais sûres. Nous avons vu tout à l'heure que dès la fin de 1917, Guo Xijun avait affecté un arpenteur au site pour y faire des relevés. Sa biographie chronologique nous dit aussi, en télescopant d'une certaine manière la mention de ses activités hydrauliques et celle des premiers mouvements de rébellion contre le gouverneur militaire Chen Shufan, également à la fin de 1917, mouvements qui, comme nous l'avons vu, ont rapidement conduit à la fondation de la Jingguotun, donc de l'armée nationale de pacification. Sa biographie nous dit donc que Guo Xijun a continué de garder le contact avec San Yuan dans le Weibei par l'intermédiaire de Liu Yunchen et d'autres. Ce Liu Yunchen, je le mentionne uniquement parce que ça avait été donc un compagnon de combat de Guo Xijun avant la révolution de 1911. Et je le mentionne parce qu'il est l'auteur justement de ce texte sur Guo Xijun, rédigé en 1941 et publié plus tard dans les Wenshi Ziliao. En d'autres termes, ce qui semble être impliqué dans cette notation, c'est que, en raison de son souci persistant de faire réaliser des études pour le projet du Weibei, et nonobstant le fait qu'il occupait des fonctions officielles à Xi'an dans le gouvernement de Chen Shufan, Guo Xijun gardait une ligne ouverte avec les rebelles de l'autre côté de la rivière, là où se trouvait le canal. Des rebelles d'ailleurs dont on peut voir que beaucoup étaient d'anciens camarades de lutte du temps de la révolution de 1911 ou de la résistance contre Yuan Shikai et ses créatures en 1914 et 1915. J'ajoute qu'il ne faut jamais perdre de vue, à propos de toutes ces affaires, que tout ceci se déroulait à l'intérieur d'un très petit périmètre. Après tout, San Yuan est tout juste à une cinquantaine de kilomètres de Xi'an, donc c'est très proche, parlant de lignes ouvertes, il y avait même le téléphone. Il y avait même le téléphone, puisqu'on apprend dans plusieurs témoignages des Wenshi Ziliao que, au moment où Hu Tingyi est entré en dissidence en fondant avec d'autres la Jingguotun à San Yuan, en janvier 1918, Chen Shufan a commencé par l'engueuler au téléphone, et par téléphone à longue distance, est-il même précisé. Et ensuite, la première personne qu'il a envoyée pour essayer de négocier, c'était précisément Guo Xijun, lequel, selon les auteurs, s'était fait fraîchement accueillir, ou au contraire, avait été reçu avec tous les honneurs par les chefs de la Jingguotun. Un dernier point qui mérite d'être soulevé concernant toutes ces incertitudes, et c'est un point assez intéressant, c'est que, à en croire au moins un auteur publié dans les Wenshi Ziliao, qui comme d'autres parle en témoin, pendant toute l'histoire de la Jingguotun, la sous-préfecture de Jingyang, qui se trouve au centre de la région du Weibei et sur le territoire de laquelle se trouve l'essentiel du dispositif du canal Longdong, en fait tout le dispositif de tête, toute cette partie qui est la plus compliquée et la plus stratégique se trouve sur le territoire de Jingyang. Donc cette sous-préfecture de Jingyang aurait en fait été très mal contrôlée par Yu Yuzhen et par le quartier général de San Yuan. Et cela pour la raison suivante, c'est que le militariste qui y était basé et qui était un certain Tian Yutie, ce militariste qui était nominalement placé sous l'autorité de la quatrième route de la Jingguotun, c'est-à-dire celle commandée par Hu Tingyi, en refusait l'accès du territoire de Jingyang, en refusait l'accès à tout corps de troupes et à tout officier autre que dépendant directement de Hu Tingyi. Si bien que les autres contingents de la Jingguotun étaient obligés de faire des détours compliqués par les montagnes du nord pour maintenir les communications entre l'est et l'ouest du territoire théoriquement contrôlé depuis San Yuan. Et de plus, Tian Yutie n'avait jamais rompu les relations avec Chen Shufan de l'autre côté de la rivière, donc et à Xi'an. Et si tel était en effet le cas, Guo Xijun, depuis Xi'an, n'avait aucune difficulté à aller visiter le site du Longdong ou à y stationner des gens à lui, même si à San Yuan étaient des soi-disant rebelles. Dernier détail enfin, un autre témoignage parle d'un chef militaire de Jingyang, répondant exactement à la description que je viens de donner, mais appelé cette fois-ci Tian Junchu. Et donc il répond exactement à la même description que le Tian Yutie dont je viens de parler. Lui aussi garde le contact avec Chen Shufan et même par téléphone, nous dit-on de nouveau. Il l'informe de tout et il y a donc toutes les chances pour que ce soit en fait le même personnage, mais appelé dans un cas par son nom social et dans l'autre par son nom, par son zhe, et dans l'autre par son ming, donc par son nom, disons, de baptême, si j'ose dire. Or, le nom de Tian Junchu n'apparaît nulle part ailleurs, tandis que celui du général Tian Yutie est assez souvent mentionné par la suite comme lieutenant de Hu Tingyi, et nous savons par ailleurs qu'à partir de 1922, il avait aussi eu San Yuan dans sa sphère de compétences territoriales. Si les deux sont en effet une seule et même personne, Cela signifie que j'ai enfin réussi à identifier ce général Tian Junzhou, c'est-à-dire ce serait Tian Junzhou, dont je vous avais montré le portrait la dernière fois, tel qu'on le trouve dans le pamphlet publié par Li Jue en 1923. Donc vous voyez comment la façon dont son nom est transcrit sur cette dans cet exemple. Donc je pense que c'est lui. J'admets que c'est un détail et que vous pensez peut-être que c'est pas très important, mais ça fait 5 ans que j'essaie d'identifier ce Tian Junzhou et je crois que cette fois-ci je l'ai trouvé. Ce que je voudrais surtout souligner, pour revenir à notre sujet, c'est que lorsque l'histoire de l'irrigation et l'histoire politico-militaire se mêlent de la sorte et que se posent des questions de légitimité politique a posteriori, je veux dire par rapport à ce qui est devenu l'orthodoxie après 1949, les sources ne sont jamais claires sur qui était exactement où et à quel moment et travaillant pour le compte de qui ou allié avec qui et ainsi de suite. Tel est bien le cas en ce qui concerne les entreprises de Kuo Xijun. Et ça, on ne sait pas trop s'il était en rapport avec les gens de San Yuan ou pas, et ça le sera un peu plus tard avec la création du bureau hydraulique du Weibei et avec le retour de Li Jue au Shanxi, comme nous le verrons dans un instant. On arrive parfois à tirer les choses au clair en confrontant les sources, des sources suffisamment diverses, comme j'ai réussi à le faire, je crois, à propos de l'implication de Li Jue dans les travaux du canal Tinghui à partir de la fin de 1930, mais on n'y arrive pas toujours. Pour revenir à Kuo Xijun, il semble qu'en 1919, il ait envoyé des gens faire des relevés dans le Zhongshan, donc j'avais écrit ce nom tout à l'heure, c'est-à-dire ce massif dont j'ai parlé, et dans la gorge de la Ting jusqu'au lieu-dit Diaozui, donc ça, je reprends cette carte, c'est donc jusqu'ici. Jusqu'au lieu-dit Diaozui, que j'ai déjà plusieurs fois mentionné, et comme je l'avais indiqué, depuis la fin de la dynastie des Ming, depuis la fin du XVIe siècle en fait, certains préconisaient d'aller capter l'eau de la Qing à cet endroit afin de restaurer l'irrigation à son niveau antérieur. Mais alors que, à cette époque, cela aurait nécessité un canal en encorbellement qui suivrait donc la falaise qui domine le courant de la rivière, presque impossible à réaliser en raison de la nature du terrain, et qu'on avait abandonné donc l'idée en 1737, au XXe siècle, en revanche, on y est revenu à cette idée en considérant que les techniques modernes devraient pouvoir permettre de résoudre le problème essentiellement en perçant un tunnel de plusieurs kilomètres à travers la montagne. Nous avons vu qu'on avait déjà pensé à cette solution en 1912. J'ignore si cette campagne de relevé ordonnée par Kuo Xijun en 1919, pour y revenir, est la même que celle qu'il disait dans son journal avoir initiée à la fin de 1917, et qui aurait donc duré plus d'un an dans ce cas, mais c'est bien possible. Ce qui est certain, c'est que le résultat de ces relevés, achevés donc en 1919, prenait la forme d'une carte au 25 millième, et que Kuo Xijun avait envoyé cette carte à Li Jue à Nankin en lui demandant de s'en servir pour esquisser un projet. Mais Li Jue avait répondu que l'échelle de la carte était trop grande et que les méthodes d'arpentage sur laquelle on s'était basé étaient trop rudimentaires, et que par conséquent, la carte pouvait certes servir comme référence, mais qu'elle était insuffisante pour aller plus loin. La campagne suivante de relevé, avant Li Jue lui-même, toujours, date apparemment de 1922, peu avant le retour de Li Jue, et elle est directement liée à la grande famine de 1920 et 1921 en Chine du Nord. Et c'est là, en fait, que nous voyons pour la première fois la CIFRC, la Commission internationale de secours contre la famine en Chine, intervenir dans la région. La séquence exacte des événements n'est, à vrai dire, pas du tout facile à reconstituer. Et nous retrouvons, en outre, les problèmes d'ambiguïté politique dont je parlais à l'instant, les deux choses allant d'ailleurs ensemble. C'est que, en effet, cette affaire se situe à un moment où les choses changent très vite dans la région du Weibei. Pour résumer le problème, que je ne suis pas sûr d'avoir encore vraiment bien débrouillé, pour résumer le problème, la question est d'être fixée sur les points suivants. Premièrement, qui du gouvernement provincial du Shanxi ou des autorités dissidentes de San Yuan, ou les deux à la fois, qui a pris contact avec les organisations charitables extérieures à la province au moment de la famine de 1920 et 21 et a reçu leurs fonds? Deuxième question, quand exactement le bureau d'ingénierie hydraulique du Weibei, réputé avoir été financé avec des reliquats, des fonds de secours après la famine, a-t-il été mis en place et par qui exactement? Et avec qui la CIFRC a-t-elle traité lorsqu'elle a envoyé un ingénieur pour faire des relevés, comme nous allons le voir tout de suite? Et finalement, qui exactement a fait appel à Li Yijue pour qu'il revienne au Shanxi et s'occupe, entre autres choses, de ce projet du Weibei. Plusieurs auteurs publiés dans les Wenshe Zhiya, qui avaient tous été mêlés à ces affaires à l'époque et qui se placent donc dans la position de témoins, plusieurs de ces auteurs, ainsi que Li Yijue lui-même dans certains de ses textes, évoquent ces événements, mais malheureusement tous ne les évoquent pas de façon complète. Ils sont souvent vagues sur les dates, et quand ils donnent des dates précises, elles sont contradictoires entre elles, ou alors manifestement fausses. La version standard en chinois, celle qu'on trouve avec diverses variantes dans les témoignages des Wenshe Zhiya ou encore dans la biographie récente de Yu Youzhen, cette version veut que le bureau d'hydraulique du Weibei ait été fondé par Yu Youzhen, et on dit parfois Yu Youzhen et Ru Jingyi, et comme nous le verrons, c'est ce dernier qui crée en partie l'ambiguïté, que Yu Youzhen a fait appel à Li Yijue et que ce dernier, donc, cette version veut que ce dernier soit venu diriger les investigations sur le terrain, ce qu'il a en effet fini par faire, mais toute la question est de savoir quand. En outre, toujours dans cette version que j'appelle standard, la création en réalité à la fois d'un comité d'hydraulique du Weibei, donc cette fois-ci c'est Weibei, Shueli, Wei Yuanhui, et d'un bureau d'ingénierie hydraulique pour le Weibei, dont j'ai déjà parlé, l'un et l'autre cité à Sanyuan, et le second, donc le bureau ayant pour mission de réaliser les projets discutés par le premier, donc par le comité. Cette création donc serait à situer dans le contexte d'un ensemble de réformes progressistes conduites sous l'égide de Yu Youzhen dans la zone extrêmement menacée et appauvrie, et où en outre les approvisionnements militaires avaient la priorité au détriment des besoins de la population civile, dans cette zone donc que contrôlait encore la Tsingotun. Dans le domaine de l'enseignement et de la culture par exemple, le mouvement de Yu Youzhen aurait bénéficié de l'arrivée d'étudiants et de jeunes intellectuels militants du mouvement du 4 mai 1919, aussi progressistes que enthousiastes, en dépit des conditions extrêmement précaires qui régnaient dans la région. Et cela aurait grandement contribué à la création d'assez nombreuses écoles dans la zone donc de la Tsingotun, secondaire, primaire pour les garçons, pour les filles, et même une école normale. Yu Youzhen aurait aussi organisé des spectacles pour améliorer les coutumes, c'est-à-dire pour Yifong Yisou, hein, l'expression bateau, j'allais dire, que je ne sais d'ailleurs jamais comment traduire littéralement, parce que ça veut dire changer les coutumes et changer les coutumes. Donc c'est une redite. Donc ils font Yisou. Je crois que j'avais déjà écrit cette expression. Donc il aurait fait des spectacles pour améliorer les coutumes, ce qui, comme je le disais, donc a toujours été l'ambition affichée des intellectuels et des fonctionnaires chinois dans les campagnes. Sauf que, en l'occurrence, il s'agissait plus exactement de les moderniser, non pas simplement de les moraliser dans un sens confucéen, comme traditionnellement. Enfin, la démocratie aurait fait de grands progrès grâce à l'organisation à Sanyuan d'une assemblée provinciale provisoire du Shanxi, donc Shanxi Linshe Shengyihui, qu'aurait notamment regagné plusieurs membres de l'assemblée fantoche et manipulée, nous dit-on, qui était en place à Xi'an. Donc ils auraient traversé la rivière pour venir regagner cette assemblée véritablement démocratique. Tout ceci, dans la mesure où c'est exact, est probablement situé en 1920 et au début de 1921. La sécheresse qui afflige toutes les provinces de Chine du Nord pendant ces deux années est devenue un problème grave et en quelque sorte un problème international à l'été 1920. C'est en effet à partir de là qu'un peu partout dans la région, les observateurs concluent que la récolte d'automne a toute chance d'être perdue et que une grave famine s'annonce. C'est également à partir de là que des sociétés de secours s'organisent à travers tout le pays, mais sans encore se coordonner entre elles. Et enfin, c'est à partir de là, donc de l'été 1920, que la communauté étrangère commence elle aussi à réagir, même si on est en été et que tout le monde est en vacances au bord de la mer ou dans la montagne, comme le remarque Walter Mallory dans son ouvrage classique China, Land of Famine, donc la Chine, la terre de famine, qui est une sorte de rapport final publié en 1922, à Pékin, de rapport final sur l'action justement des organisations étrangères. Mallory devient en plus, en fait, le premier secrétaire dans l'ordre chronologique de la CIFRC lorsque celle-ci est fondée tout de suite après, dès la fin de 1921, pour fédérer les associations chinoises et sino-étrangères qui avaient œuvré pendant la famine, tout juste terminée, et pour créer une structure permanente de coordination et de prévision. Plusieurs textes chinois affirment que les autorités de San Yuan ont créé une société générale de secours qu'ils appellent San Yuan Yi Zhen Zhonghui. Je réécrirai ces caractères tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Et je reviendrai sur les incertitudes que cette notion soulève. Donc, d'après ces textes, on aurait créé une société générale de secours à San Yuan, laquelle société aurait sollicité les organismes charitables extérieurs à la province. Et là, la nomenclature est assez confuse, et il est vrai que ces organismes ont souvent des noms qui se ressemblent. Et un auteur, et même dans les Wenshi Zhiliao, n'hésite pas à parler de la CIFRC dès 1920, donc plus d'un an avant sa création. Or, s'il y a bien eu un effort substantiel de la part des grandes associations de Shanghai ou de Pékin, et surtout de Pékin, ainsi que de la Croix-Rouge américaine, pour aider le Shanxi, lequel n'était d'ailleurs pas la province la plus touchée pendant la famine de 1920-1921, semble-t-il, le rapport de Mallory dit clairement que ces secours étaient gérés et répartis entièrement par un comité qu'il appelle Shanxi United International Famine Relief, qui était le répondant unique des organisations situées à Pékin. Et ce comité international contre la famine du Shanxi était situé à Xi'an, et non pas à San Yuan. Mallory donne d'ailleurs des chiffres qui montrent que les secours n'ont vraiment commencé à affluer en quantité significative que à partir de février 1921. Le comité a alors à sa disposition un peu moins de 765 000 dollars et il en aura un peu plus d'un million à la fin du mois de mai 1921. Et Mallory toujours rappelle que le gouvernement chinois a également mobilisé des sommes importantes dont on peut être sûr que celles envoyées au Shanxi, qui sont détaillées par administration d'origine dans un tableau de l'ouvrage de Mallory, dont on peut être sûr que ces fonds gouvernementaux envoyés au Shanxi n'aboutissaient pas chez les rebelles de San Yuan. D'un autre côté, il est tout à fait possible, et diverses notations dans les sources me portent à croire qu'après tout, c'est peut-être ainsi que cela s'est passé, il est tout à fait possible que le régime du Weibei, ayant constitué séparément un bureau des secours à San Yuan, ait envoyé en son propre nom des émissaires sollicités de l'aide à Pékin, à Tianjin ou à Shanghai, auprès des organisations charitables non incluses dans le réseau des comités internationaux actifs dans les capitales provinciales. Organisations charitables, donc, dont Mallory nous dit qu'elles ont mobilisé entre elles peut-être 8 millions de dollars pour l'ensemble de la campagne, à comparer avec les 17 millions redistribués aux comités provinciaux, et sans compter diverses autres sources de moindre ampleur, et parmi lesquelles ces associations charitables, Mallory mentionne notamment une association des cinq provinces du Nord de secours contre la famine, que l'on retrouve effectivement dans un des articles des Wenshi Zhiliao. Et donc, il n'est pas impossible que le gouvernement entre guillemets de Yu Youzhen, ou son régime, ait effectivement réussi à obtenir une aide pour le Weibei, qui lui serait arrivée directement. Mais les incertitudes demeurent, et l'on est très loin, en ce qui concerne la famine de 1920-1921, au Shanxi, de disposer de sources aussi abondantes et aussi précises que celles dont je vous ai déjà donné un aperçu concernant la famine de 1929 et surtout de 1930. Celle donc qui a vu le démarrage du chantier du canal Tinghui, et sur laquelle je reviendrai de façon beaucoup plus approfondie dans mon cours de l'année prochaine. Pour vous donner simplement un exemple du genre de détail sur lequel il est difficile de ne pas s'arracher les cheveux, d'une part, Li Jie, dans son grand projet, dans son grand texte de projet pour le Weibei daté de 1923, dit ceci à propos de la famine de 1921. Wang Yuan a organisé une association générale de secours du Shanxi. Ou organisa, puisqu'il fait une sorte de récit rétrospectif, laquelle association, ajoute-t-il ensuite, est allée lever des fonds auprès des divers philanthropes chinois et étrangers. Et là, il emploie le mot philanthrope comme si c'était des personnes, ce Shantia. D'autre part, chez un certain Chen Ting, qui était un ancien étudiant et collaborateur de Li Jie et l'auteur d'un assez long texte dans les Wenshi Zhiliao de Tingyang, paru en 85, que je n'avais pas mentionné, chez Chen Ting, donc il y a pas mal de détails intéressants, mais aussi beaucoup d'erreurs, Chen Ting reprend mot pour mot, ou pratiquement mot pour mot, le texte de Li Jie, et chez lui, cela devient cela, à San Yuan, on organisa une association générale de secours. Association dont il ajoute, et alors de nouveau il recopie exactement le texte de Li Jie, qu'elle est allée solliciter des aides chez les philanthropes chinois et étrangers. En d'autres termes, d'une part, par effacement d'un seul trait par effacement d'un seul trait, Monsieur Wang Yuan, s'il a existé, devient San Yuan. Or, dans les deux éditions des textes de Li Jie, c'est bien Wang Yuan. Et d'autre part, l'Association Générale de Secours, qui chez Li Jie était du Shanxi, désormais ne l'est plus. Et si on suit la syntaxe, c'est l'Association de Secours de San Yuan. Enfin, troisième variante, chez l'un des auteurs qui parle de façon relativement précise, sinon exacte, de la famine de 1920 au Shanxi, parce qu'il la date comme ça de 1920 et on a l'impression qu'il décale le tout d'un an en avant, qui est un certain Zhu Yuli. Je cite tous ces gens parce que d'abord ils ont été auteurs de tous ces articles et puis et d'autre part c'était tous à leur manière, ils ont participé à l'histoire après tout. Donc Zhu Yuli qui explique d'ailleurs qu'il a été un des premiers à se rallier à la rébellion de la Tiangotun en 1918. Chez cet auteur, donc, c'est explicitement, il le dit, la Tiangotun qui a envoyé des émissaires solliciter des secours auprès des organisations philanthropiques. Et là, il dit bien organisation, donc Tseshan Tuan, et non pas Tia, de Pékin et de Shanghai. Lesquels secours ont été distribués dans plus de 20 sous-préfectures du Weibei, alors qu'à la page précédente, il affirmait qu'à cette date, la Tiangotun n'en contrôlait plus que 11, et même pas entièrement. Et à propos d'une autre somme allouée, celle-là, par l'Association de Secours des Cinq Provinces du Nord, dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit qu'elle a été répartie par la branche de San Yuan de l'Association de Secours. Et donc cette fois-ci, ça donne San Yuan, la même chose, enfin avec San cette fois-ci, San Yuan, Yijun Fenhui. Donc Yijun, et cette fois-ci c'est une Fenhui. Donc une branche, quoi. Tout est donc suspendu à l'ajout ou au retrait, délibéré ou par l'effet d'une simple coquille, d'un seul trait d'écriture qui ferait que Wang deviendrait San ou l'inverse. Si je pouvais établir qu'il y a bien eu un personnage s'appelant Wang Yuan, ayant organisé une association provinciale de secours contre la famine, l'incertitude serait levée. Mais pour le moment, je n'ai pas les moyens de le vérifier. Or, ce détail a une importance considérable car de lui dépend de savoir avec certitude si le régime dissident de San Yuan a été ou non en position de solliciter et de gérer directement des secours pendant la famine de 1921 et d'en utiliser une partie pour mettre sur pied le bureau d'hydraulique du Weibei. Car nous en arrivons à cette dernière question qui est en fait celle dont j'étais parti. Le problème du bureau d'hydraulique du Weibei est lié à ce que je viens de dire, car comme l'indiquent tous les auteurs, à commencer par Li Jie lui-même, la mise en place de ce bureau a été financée avec un reliquat des fonds de secours, ce montant à 140 000 dollars. On trouve quelque part 400 000, mais là, c'est évidemment une coquille. C'est Shishuan, Shishuan. Et ce genre d'inversion de caractère se rencontre assez souvent dans les Wenshou Zhegiao, qui, après tout, ne sont pas des publications pour bibliophiles. Li Jie, je veux dire, c'est pas très soigné, Li Jie ne donne pas de date exacte, mais il dit que, par la suite, c'est-à-dire après la famine de 1921, ce reliquat, qui était destiné à être distribué dans, alors lui dit, 11 préfectures, sous-préfectures du Weibei, par la suite, ce reliquat a été finalement affecté à la mise en place du bureau d'hydraulique. La raison, dit-il, c'était que la famine était déjà passée et que les notables et les marchands de la région du Weibei, donc les Shenshang, les fameux notables marchands, avaient fait valoir que cette somme représenterait très peu par individu si on la distribuait aux paysans pauvres de la région. Alors que ils seraient beaucoup plus avisés de se lancer dans des travaux de réfection hydraulique comme mesure de prévention à long terme. Et Li Jie ajoute, détail qui a son intérêt, il ajoute que les étrangers résidant au Shanxi étaient également très enthousiastes pour aider ce projet donc de mise en route d'un bureau d'hydraulique du Weibei. Or, aucune source ne laisse entendre qu'il y ait pu y avoir des étrangers de quelque influence, missionnaires par exemple, dans la zone contrôlée par la Tiangotun. Cela étant, Li Jie ne précise pas qui a créé le bureau d'hydraulique du Weibei. Chen Jing, quant à lui, oui, cet auteur dont, que je citais à l'instant dans un article des Wenshou Zhegiao, Chen Jing dit que le bureau a été fondé par le commandant en chef de la Tiangotun, Yu Yuzhen, et c'est ce qu'on trouve aussi dans d'autres textes, et par le général Hu Tingyi. Et il donne une date, 1922. Certes, Chen Jing est un auteur qui ne fait pas preuve de la plus grande rigueur en ce qui concerne les dates, mais si c'est bien 1922, un problème intéressant se pose, et ce problème c'est que depuis la fin de 1921, Yu Yuzhen n'avait plus aucune influence à San Yuan et qu'il avait même fui la ville dès avant qu'en septembre de cette année, donc septembre 1921, Hu Tingyi eut convoqué une assemblée du peuple, une Gomin Dahui, qualifié par certains dans ses articles de comédie, pour lui faire voter la dissolution de la Tsingotun et le ralliement aux forces du Tcheli, représentées au Shanxi à ce moment par Feng Yuxian. Après cette date, la Tsingotun en tant que telle n'existe plus que sous la forme de régiments dispersés et errants, commandés par quelques jusqu'au boutistes, dont Yang Hucheng, qui a pris Yu Yuzhen sous sa protection. On peut donc formuler l'hypothèse, et la discrétion de Li Yijie, qui ne prononce pas une seule fois le nom de son vieil ami Yu Yuzhen à propos de toutes ses affaires, nous y encourage. On peut donc formuler l'hypothèse que le bureau d'hydraulique du Weibei a été fondé par Wu Tingyi tout seul. Reprenant peut-être une idée de Yu Yuzhen, au début de 1922, ou peut-être à la fin de 1921, lorsque la famine était en effet terminée. Deuxièmement, qu'il y a installé comme responsable un de ses affidés, un notable de la région appelé Li Zhongshan, que nous allons d'ailleurs retrouver. On l'appelle parfois Zhongshan, comme le nom de la montagne qui surplombe donc tout le site du Weibei. Donc, il a installé comme responsable un de ses affidés, un notable de la région appelé Li Zhongshan, donc, que nous allons retrouver. Troisièmement, que cela s'est fait en liaison avec les autorités de Xi'an, dont Wu Tingyi était désormais un allié. Et non seulement avec les autorités, mais aussi avec les étrangers de Xi'an, dont certains représentaient les organismes philanthropiques extérieurs à la province, auprès desquels on pouvait solliciter des aides. Au reste, lorsqu'il évoque la création du bureau d'ingénierie hydraulique du Weibei et la nomination de Li Zhongshan à sa tête, Li Yijie ajoute que les fonds, c'est-à-dire le reliquat de fonds de secours dont j'ai parlé, que les fonds étaient conservés par la Huayang Yijianhui, dit-il. Ce qui désigne ici, de toute évidence, et on le sait par ailleurs, l'Association internationale du Shanxi, laquelle les mettait à disposition au fur et à mesure des besoins. Donc tout était contrôlé depuis Xi'an. Et c'est là, en fait, que je retrouve le fil de mon exposé, c'est-à-dire les investigations et relevés opérés sur le site hydraulique du Weibei avant l'arrivée de Li Yijie aux affaires. Toutes les sources, en effet, sauf celles, à vrai dire, peu nombreuses, qui véhiculent la version standard, mais fausse, selon laquelle le bureau hydraulique a été créé par Yu Yuzhen, qui a fait venir Li Yijie comme ingénieur en chef. Disons donc, un grand nombre de sources mentionnent le passage d'un ingénieur envoyé par la CIFRC pour étudier sur le terrain les possibilités de reconstruction de l'hydraulique au Weibei, et plus spécialement du projet allant capter l'eau à Diaozhui. Pour la CIFRC, il s'agissait évidemment de s'assurer de la faisabilité d'un tel projet, qu'on lui avait très certainement vanté, et donc, ou essayer de vendre, et donc pour s'assurer que d'éventuelles subventions seraient utilisées à bon escient. Selon les sources, cet ingénieur s'appelle de deux noms possibles. Donc, dans certaines sources, il est appelé, et même parfois les deux noms dans la même source, il est appelé Wu Xuechang, et dans d'autres sources, il est appelé Wu Nankai, donc le même Wu et Nankai. Wu Nankai. Mais il s'agit évidemment de la même personne, désignée suivant les cas par son, de nouveau, comme par son Ming ou par son Zhe. Li Yijie, dans les documents en anglais dont je suis de parler, c'est Wu Nankai, c'est NKU. Li Yijie dit qu'il avait été recommandé à la CIFRC par un conseiller du Bureau National de l'Hydraulique, c'est-à-dire le Chuango Shuelitu, donc le Shuelitu au niveau national, mais à part ça, nous ne savons rien d'autre sur lui. Dans les sources chinoises, la date du passage de Wu Nankai au Weibei, quand elle est donnée, est soit 1920, ce qui est totalement impossible, soit 1921, ce qui est douteux, soit 1922. Chen Ting, par exemple, toujours le même auteur, dit 1920 à un endroit de son texte et 1921 à un autre. La date correcte est certainement 1922, quelque part dans la première moitié de l'année sans doute. Ne serait-ce que parce que le commanditaire de la mission, de cette expertise, c'est-à-dire la CIFRC, n'existait en fait que depuis novembre 1921. C'était donc une de ses premières initiatives dans le domaine de ce que j'appellerais peut-être l'ingénierie publique préventive. On trouve mention de l'enquête de Wu Nankai dans plusieurs documents de la CIFRC ou dus à des proches de la CIFRC. Par exemple, le rapport annuel de la commission pour l'année 1930, c'est-à-dire l'année où on a lancé le projet du Weibei pour de bon, ce rapport annuel rappelle quelque part que déjà en 1922, M. Wu Nankai avait enquêté pour elle sur cet important système. Un article sur le canal Tinghui, paru au début de 1933 dans la Far Eastern Review, probablement de la plume de Todd, bien qu'il soit pas signé, précise de la même façon qu'après la famine de 1921, les autorités de la province du Shanxi s'étaient entretenues du projet avec les membres de la CIFRC, c'est-à-dire probablement du comité provincial, et que celle-ci avait donc envoyé l'ingénieur Wu sur le terrain pour voir ce qui en était. Donc là, il est clair que les tractations ont eu lieu à Xi'an et certainement pas à Sanyuan. Et enfin, dans une lettre à Walter Mallory, toujours Mallory, hein, en date du 23 mai 1923, Todd, qui n'était pas encore ingénieur en chef de la CIFRC, puisqu'il allait le prendre ses fonctions à partir du 1er décembre de cette année 1923, donc dans cette lettre de mai, Todd remercie Mallory de lui avoir passé le rapport de Wu, qui semble lui avoir fait une bonne impression, puisqu'il dit que, bien qu'il n'ait pas encore eu le temps de l'étudier en détail, apparemment, M. Wu a consacré un temps considérable à cette région et en compagnie d'une équipe d'arpenteurs. Cette appréciation positive du travail de Wu Nankai, se retrouve aussi dans les quelques phrases que Li Yijie lui consacre, où il note que Wu Nankai a consacré un mois à relever le fameux méandre de Diao Erzui, donc que je vous remontre, je vous l'avais déjà montré, je crois, qui est donc ce fameux boucle de la rivière à partir duquel devait s'ouvrir un tunnel qui mènerait, conduirait l'eau vers le sud. Donc, Li Yijie note que Wu Nankai a consacré, qu'il appelle Wu Xuezhang d'ailleurs, qui a consacré un mois à relever le fameux méandre du Diao Erzui, qu'il a parcouru le massif montagneux qui domine Nanjing et qu'il a aussi fait des relevés hydrographiques. Et il cite aussi, sans d'ailleurs la commenter, la conclusion de Wu Nankai, qui ne sera pas la sienne, à lui, Li Yijie, lorsqu'il sera à son tour en mesure d'étudier le site, mais dont il se trouve que c'est cette conclusion qui a finalement été retenue. En effet, pour l'ingénieur Wu, il serait plus avantageux de moderniser l'ancien canal dans son tracé actuel que de vouloir percer un tunnel. Autrement dit, il vaut mieux faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire moderniser le canal le long de la rivière plutôt que de faire cette entreprise pour toutes sortes de raisons. Li Yijie lui-même n'a pas rencontré Wu Nankai, en tout cas pas à cette occasion. En effet, lorsqu'il arrive enfin au Shanxi, au milieu de l'été, Wu est déjà reparti vers le sud pour se rendre à un congrès. Mais il a évidemment pris connaissance de son rapport, et bien qu'il ne le dise pas expressément, on peut supposer que ce rapport l'a aidé dans ses propres investigations. Mais avant de parler de ces investigations, et surtout des projets que Li Yijie a élaborés à partir de là, il me faut examiner une dernière question qui prête à controverse, à savoir les circonstances exactes dans lesquelles Li Yijie a finalement accepté de revenir au Shanxi et de prendre la direction du bureau d'hydraulique de la province. Plusieurs auteurs chinois récents dans les Wenches de Liao et ailleurs font régner un certain flou sur ces circonstances. Je pense par exemple à l'essai de Chen Ting, toujours, qui affirme, comme nous l'avons vu, que le bureau d'ingénierie hydraulique du Weibei a été fondé par Yu Youjun et Hu Tingyi en 1922, avec des fonds pour les secours contre la famine se montant à 400 000 dollars, coquilles pour 14 000, et avec pour programme de réparer le canal Zhengbai. Et, ajoute-t-il, comme on n'a personne de suffisamment compétent pour prendre la direction technique des opérations, Yu Youjun et Hu Tingyi décident d'envoyer à Nankin un de leurs responsables, un certain Li Zhongshan, donc ce Li Zhongshan que j'ai écrit là, pour inviter Li Yijie. Et il ajoute encore que, exactement au même moment, Guo Xijun, malade, manifeste son souhait de se faire remplacer par ce génie exceptionnel, mais tellement difficile à obtenir en raison de son intégrité et de son intransigeance professionnelle, qu'est Li Yijie. Il en fait part aux autorités, Tang Dao, parce que Chen Ting ne va quand même pas jusqu'à écrire noir sur blanc que c'est l'affreux Liu Zhenhua dont il s'agit ici. Il en fait part aux autorités et celle-ci envoie un télégramme à Li Yijie et donc celui-ci se décide à rentrer à l'été 1922. Pour être précis, il rentre en août 1922 à Xi'an. Au moins ici, Guo Xijun est dûment mentionné. Mais son appel à Li Yijie, auquel celui-ci a en effet fini par répondre, est en quelque sorte télescopé avec l'invitation qu'auraient lancé les responsables de la Tsinghuotun à Sanyuan, dont la simple réalité est impossible à cette date, comme je l'ai expliqué, car la Tsinghuotun n'existait alors plus et Yu Youjun était déjà plus ou moins sur le chemin de l'exil. D'autres auteurs, comme ceux de la biographie de Yu Youjun parue en 1997, qui puisent beaucoup dans les Wenches de Liao, d'autres auteurs se contentent de dire que Yu Youjun a invité Li Yijie et que celui-ci a fait les relevés qui ont permis de finalement construire le canal en 1930. Autrement dit, il passe entièrement sous silence l'invitation de Guo Xijun, relayée par les autorités de Xi'an, et font comme si Li Yijie, invité par Yu Youjun, était venu et s'était mis au travail. En fait, Li Jue écrit lui-même dans son premier grand projet, donc toujours le même texte, pour la réhabilitation du canal, il écrit lui-même en 1923 qu'il a été en effet invité au printemps 1922 par un télégramme pressant du gouverneur Liu Zhenhua à venir prendre la direction du bureau d'hydraulique de la province. D'ailleurs, il nous dit que en 1921, déjà, il avait été nommé à ce poste, probablement sans avoir été même consulté, et cela ne pouvait venir évidemment que de Liu Zhenhua, ou peut-être de Feng Yuxiang à ce moment-là, relayant probablement les instances ou l'insistance de Guo Xijun. Liu Yuzhen et la Tingotun à Sanyuan ne pouvaient par définition rien avoir avec une nomination au bureau provincial d'hydraulique. De toute façon, dit Li Jue, sans d'ailleurs donner plus d'explications, en 1921, je n'y suis pas allé. Au printemps 1922, il ne bouge pas non plus, et à l'été, c'est donc au tour de Li Zhongshan de venir en personne à Nankin pour lui demander de venir diriger les travaux d'ingénierie du Weibei. Dans son texte commémoratif sur Guo Xijun, qui est explicitement, jusque dans son titre, postérieur à l'achèvement du canal Tinghui en 1932, même si l'édition des œuvres de Li Jue, publiée à Pékin, le date inexplicablement de 1924. Dans ce texte, donc, sur Guo Xijun, Li Jue écrit de même que Guo Xijun a fait appel à lui en 1922, et il précise que c'est Hu Tingyi, donc le général Hu Tingyi, qui a envoyé Li Zhongshan à Nankin. En bref, c'est bien aux autorités régulières du Shanxi, Hu Tingyi est rallié depuis septembre 1921 au pouvoir en place, et à un moment où Yu Yuzhen avait dû quitter Sanyuan depuis des mois, et n'était en fait même plus au Shanxi, que Li Jue a fini par donner une réponse positive. D'une certaine manière, c'est Hu Tingyi qui crée l'ambiguïté, car il a bien été un des principaux lieutenants de Yu Yuzhen à l'époque de la Tingotun, et de surcroît basé à Sanyuan. Et par ailleurs, il a effectivement été l'un de ceux qui ont sollicité Li Jue et l'ont décidé à revenir au Shanxi. Mais lorsqu'il a sollicité Li Jue, s'il était toujours basé à Sanyuan, au moins c'est ce qui semble, il n'était depuis longtemps plus un membre éminent d'un régime qui avait été défait entre-temps et qu'il avait lui-même abandonné depuis des mois. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Pierre-Étienne Ville. Présentation, Christine Goémé. Réalisation, Dominique Briffaut. Les hommes, les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dimana, les hommes, les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio, j'apprends. Écoutez, vous êtes sur France Culture. France Culture, partenaire. Festival international de l'affiche et des arts graphiques de Chaumont du 21 mai au 26 juin. 16e édition d'une manifestation qui présente une approche à la fois contemporaine et historique du graphisme, avec notamment cette année une exposition consacrée au grand graphiste moderniste Cassandre, une vision de la création française actuelle avec Christophe Jacquet et une mise en lumière de la scène graphique néerlandaise. 16e festival de l'affiche et des arts graphiques de Chaumont, du 21 mai au 26 juin, à retrouver dans les émissions de France Culture.